Redline, d'Alexandra Badea. I am here to speak for all generations to come. Réalisation, Baptiste Guiton. I am here to speak on behalf of the starving children. Deuxième épisode. Quelques mois avant une nouvelle conférence sur le climat, une négociatrice et un ministre de l'écologie se lancent dans la course pour sauver le monde. Ou plutôt pour sauver leur monde. Elle traverse rapidement le couloir central. Ses talons s'enfoncent dans le tapis épais. Si elle fermait les yeux pendant quelques secondes, elle pourrait se croire dans une forêt. Cette image l'apaise. Elle donne un sens à ses actions. C'est son fil rouge, sa red line. Elle pousse la porte capitonnée en cuir de la salle de réunion Panorama, et la lumière l'aveugle. Le passage un peu violent du long couloir, baigné d'un éclairage chaud tamisé, à cette grande surface entourée par des baies vitrées qui offrent une vue sublime sur toute la ville. Elle fait le tour de la grande table de réunion et serre une dizaine de mains froides. Que des hommes. Elle travaille le dossier parité du parti. Elle connaît bien le sujet. Elle s'assied en tête de table. Merci d'être venue. Je tenais à vous rencontrer personnellement. C'est important, au vu des enjeux de la conférence et des engagements de notre pays à ce sujet. Vous êtes en première ligne de notre combat, vous êtes nos héros. On s'appuie sur vos recherches et sur vos idées visionnaires. Elle parle avec beaucoup d'assurance, comme d'habitude. Elle active un ressort intérieur et tout sort. La parole politique se déverse. Elle peut parler et penser à autre chose comme si elle avait deux cerveaux. Après plusieurs minutes de discours politique, elle s'appuie sur le dossier de sa chaise confortable et savoure enfin son moment. Elle, jeune femme politique à la tête de cette assemblée de scientifiques. Vous avez la parole. J'aimerais commencer par un simple constat. Pendant la dernière heure, c'est-à-dire depuis que nous sommes arrivés au ministère, pris notre café, serré des mains, on a consommé dans le monde 2 millions de barils de pétrole, 350 000 tonnes de charbon, et les émissions de dioxyde de carbone ont augmenté de 30 000 tonnes en une heure. Elle fronce ses sourcils pour montrer à son interlocuteur l'impact de cette information sur sa conscience. Et elle hésite à noter le chiffre. Mais ça ferait trop bon élève. Elle fera ça plus tard. Pour l'instant, le discret mouvement des sourcils est très bien. On parle depuis des années de l'effort que les États sont en train de faire, mais ce n'est pas du tout suffisant. Ces chiffres l'attestent. C'est ça, le sens de ma mission. J'ai été nommée négociatrice pour accélérer ce processus. Pour le rendre concret et transparent. C'est pour cela que j'ai fait appel à vous pour la rédaction de la contribution volontaire. Le projet du gouvernement est ambitieux, audacieux même. Si c'est audacieux, imposer la hausse de température à 1,5 degré et pas à 2 degrés. Je crains que cela ne puisse pas être possible. C'est notre red line, tracée avec nos partenaires. Et alors votre rôle là-dedans, on est quand même un État assez puissant pour faire valoir notre opinion. Toutes les études le montrent. 2 degrés ne seront pas suffisants. Et les pays du Sud, d'ailleurs, le demandent. Les pays insulaires aussi. Je sais bien, mais il faut défendre aussi nos intérêts économiques. Oui, mais comment vous allez défendre ces intérêts économiques quand vous serez confronté à d'énormes vagues de réfugiés climatiques? 250 millions en 2050. On va faire quoi? On va construire des murs? C'est un peu délicat. Je comprends votre point de vue, mais sur la base de température, on doit rester sur 2 degrés. C'est déjà négocié. Elle met ses lunettes et elle feuillette le rapport remis par la science pour marquer une pause dans le débat. Sa vue est parfaite, mais elle met ses lunettes pour se donner un peu de contenance, pour avoir un objet de plus à sa portée. Tout accessoire compte dans la politique, c'est comme ça. Avançons. Qu'est-ce qui serait ambitieux pour vous dans cette contribution? Limiter l'extraction des fossiles, clairement, jusqu'à ne plus en extraire d'ici 5 ans. Limiter leurs subventions aussi. Les énergies fossiles reçoivent 5 milliards par an, 10 000 de subventions par minute. Même le FMI s'indigne. Limiter les déforestations aussi. Qu'est-ce qu'il a voté récemment, l'Office national des forêts? La vente de forêts domaniales pour permettre la rationalisation et la gestion foncière de l'investissement en forêt. C'est à mourir de rire. Déforestation par-ci, par-là, pour sauver la forêt. Elle ne dit plus rien. Elle laisse parler la science tout en prenant des notes. C'est ça qu'elle cherche. L'idée novatrice qui la propulsera chez les grands. Mais il faudrait d'abord qu'elle soit faisable et la radicalité des chercheurs lui fait un peu peur. Elle prend quand même des notes. Il faut avoir une politique ambitieuse sur les renouvelables, chiffrer tout ça. Là, il faudra subventionner à fond. Regardez l'Allemagne. Ah non, ça lui donne des migraines. Toujours l'Allemagne, l'exemple à suivre. Elle note, malgré elle. Elle jettera un œil sur la copie allemande, comme à l'école. Elle a un vague sourire à cette idée. Mais tout d'un coup, une sensation bizarre envahit tout son corps. Une sorte de nausée âcre, amère. Elle boit de l'eau, mais ça ne passe pas. Et elle n'arrive plus à suivre la plaidoirie sur l'énergie renouvelable. Ses piles ne chargent plus du tout. C'est passionnant, messieurs, mais le temps est contre nous. Nous sommes obligés de nous arrêter là. Je vais relire attentivement votre rapport et vous serez les premiers à lire ma contribution. Enfin, notre contribution, car vous allez vous y retrouver complètement. Je vous remercie encore pour votre engagement et votre intégrité intellectuelle. Elle ne sait plus d'où sortent tous ces mots, et elle a peur qu'avant d'avoir serré toutes ses mains, son corps ne tienne plus. Mais elle sourit. Elle sourit. Elle sait faire. Le sourire, c'est son arme cachée. Lui aussi, il sourit. Même si le cœur n'y est pas du tout. La tristesse le submerge, mais il tient bon. Il doit le faire. Il corrige la courbe de sa colonne vertébrale. Tu tombes, tu te redresses et tu réapprends à marcher. Les mots de sa grand-mère qui arrivent dans sa tête à des milliards d'années de distance. Et la nostalgie le reprend à nouveau. C'était plus simple. Avant. Vous venez d'entendre Red Line d'Alexandra Badea. Deuxième épisode. Avec Tiphaine Rabot-Fournier, la négociatrice sur le climat. Slimane Yefsa, Laurent Claret, Xavier Bazin et François Hatt, des scientifiques. Jacques Gamblin, le ministre de l'Environnement. Et les voix de Vincent Némette et Antoine Sastre. Réalisation, Baptiste Guiton.